se randonnée fantastique des géants. Tour de France, de l'année l'événement le plus grand. Et du nord au midi, sur les routes réunies, tous les sportifs du pays. On regarde passer, applaudir, admirer, tous nos ascenseurs lassés. Tour de France, nous encouragerons des champions. Tour de France, tu passionnes tout à moi la nation. Le Tour de France, chose incroyable, a vite connu un succès fou. C'est un personnage notable, maintenant installé chez nous. Sa caravane magnifique règne de la publicité. Sur la route et les places publiques, sème la joie et la gaieté. C'est fantastique, tous nos soucis nous oublions. Plus de discorde, plus de politique, tous les Français vivent dans l'union. Qui enlèvera cette grande bataille, est-ce Popée ou Gémignani? Ou bien un autre 8 mètres de taille à succéder aux grands copies? Tour de France, Tour de France, randonnée fantastique des géants.